Thank you.

Thank you. bruit du corps s'éteint sous l'ombre épaisse. On entend des chasseurs expirer le refrain. Tout se tait, la nuit vient, et la première étoile scintille à l'horizon lointain. Comment vers le palais retrouver le chemin dans ces bois que la brume voile. Quelle voix retentit dans la forêt immense. Hola, bon bison des bûcherons, à toi, à toi. Ah, quelle ombre charmante, ici, vers moi, avance. Sans une brume, mon sentier effacé, appuyez tous sur moi, que grâce. Je suis un étranger, un espagnol. De ce nom l'escorte compagne, le vieux comte de Lerme, ambassadeur d'Espagne. Oui, noble dame, et si quelque danger. Au bonheur de la vie, bien d'avance, du mauvais de temps, pour maintenir votre litière, je vais courir jusqu'à chaque mot. J'ai foi dans l'honneur espagnol. Page, suis ta pensée, ce seigneur peut garder le pays de ton roi. Madame, Oh! verre. Je frémis de terreur. Sa fille bien chère, une guerre cruelle est finie à ce prix. Mais Philippe ne veut vous devoir qu'à vous-même. Acceptez-vous la main de ce roi qui vous aime? Réponse l'heure fatale est sonnée. L'heure est folie, la cruelle destinée de mon rêve si beau. fermée. Au sommeil éternel, pourquoi m'arracher, Dieu cruel? Dès demain, vous partez pour la France.